Les médias semblent vraiment trouver les rappeurs indésirables. Pourquoi c'est compliqué de considérer le rap comme une vraie musique, un truc à part qui déboîte avec un public qui se déplace en masse au concert, s'en fout de la merde et son casier judiciaire. C'est le deuxième marché du disque après la variété, donc ils vendent des CD, tu les vois jamais tourner. Ça sert de sonnerie pour les portables, c'est lamentable. Mon dilemme, les programmateurs de salles mis en place par les mairies, blaireaux et gris. Sans culture musicale et surtout docile, hostile à la musique urbaine. Mais le rap, c'est pas une musique actuelle? Je comprends pas, et eux veulent pas comprendre que dans toutes les musiques, y'a du bon à prendre. Ça rappe en bon français, pas en anglais pourri. Le problème peut-être, c'est les propos aboutis. Yo, c'est un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simplets. Y'a plein de styles de musiciens qui bossent dur pour faire connaître leur musique et elles se heurtent à un mur. Ouais, ton CD là, il est pas mal du tout, hein. Mais bon, pour le rap, pas de budget, l'année prochaine. On nous prend pour des ploucs, pour des idiots, des parasites de la musique, rien dans le cerveau. Tu m'étonnes qu'il y en ait qui se tournent vers l'électro. Faut ruser pour jouer si tu veux rapper au show. Les malins s'incrustent avec Calogero. Le métissage musical, ça relève le niveau. Johnny a tout compris, jouer avec Ministère Hammer. En plus il se barre en bêche, tant pis pour les réactionnaires. C'est clair, si tu veux faire des dates en France, persévère, accroche-toi, ce sera jamais bonne chance. On parle du rap que lorsque les cités pètent. Et pour fuser ton concert, on servira ce même prétexte. Je sais un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simples. Alors c'est quoi la solution? Que pourrait-on faire pour faire des concerts dans les salles réfractaires? Merci les MJC, les salles associatives, les gens qui se bougent le cul pour que la musique vive. Va voir les salles genre réseau fait du rock. Demande-leur le pourcentage de concerts hip-hop. Sur une année ça représente même pas 1%. Et si t'insistes pour en faire, pour choper un coup de sang. Ça programme du métal, de la pop et du rock, du reggae, de la variété. En plus c'est pas toujours top. Comme dans le rock, le hip-hop a engendré plein de styles, c'est varié. Jazzy, hardcore, rap débile. Y'a tout un public qui n'attend que ça, qui rêve de ça. Il n'y croit plus, m'économise pour ça. Mon conseil pour les rappeurs, élargissez votre musique. Incrustez-vous dans les soirées, il reste des gens éclectiques. Je sais un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simples. Je sais un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simples. Je sais un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simples. Je sais un beat à deux balles, composé en deux minutes. Genre de truc abouti pour faire parler les langues de flûte, flûte. J'en vois qui ça déplaît, zut, zut. On passe pour des simples. Que c'est un genre musical qui commence à prendre de la place en France.